Chapitre 21e. Si Robert n'avait pas pu la veille se procurer les 300 000 francs qu'il voulait offrir à Madame Fourcy, comment les trouverait-il maintenant? C'était là une question qu'il n'avait pas examinée avant de répondre. Elle lui demandait 200 000 francs, c'était assez pour qu'il les promît. Elle était dans ses bras, haletante, éperdue. Elle se serrait contre lui, elle l'étreignait, elle lui parlait bas en l'effleurant de ses lèvres, en le brûlant de son souffle. Dans l'obscurité de la nuit, il voyait ses yeux éplorés et son visage pâle, qu'éclairait faiblement la lumière de la lune. Comment eût-il pu réfléchir? Comment eût-il pu examiner la question de savoir où il se procurerait ses 300 000 francs? Elle lui demandait 1 million, il lui promit. Elle lui demandait sa vie, il lui donnait. Elle avait eu bien raison de penser que celui-là ne comptait point avec sa passion. Mais au réveil, il fallait compter avec la réalité. Comment trouver ses 300 000 francs? À qui les demander? S'il suivait ce jour-là le même procédé que la veille, c'est-à-dire s'il s'adressait aux usuriers, serait-il plus heureux qu'il ne l'avait été? C'était là une expérience qu'il n'avait pas le temps de répéter et de poursuivre jusqu'à ce qu'elle eût réussi. C'était tout de suite, le jour même, qu'elle devait réussir. Dans ces conditions, un mot qu'il avait dit à Madame Fourcy, sans réflexion et comme d'instinct, s'imposait à sa pensée, son père. Pourquoi ne s'adressa-t-il pas à son père? En réalité, ce qu'il lui demanderait, ce ne serait pas un don de 300 000 francs, mais un prêt de pareille somme garanti par la fortune qui lui reviendrait le jour de sa majorité et qui déjà était sienne. N'était-ce pas une simple fiction légale qui l'empêchait dès maintenant de disposer librement de cette fortune? Puisqu'il en avait la jouissance, pourquoi n'en avait-il pas la propriété, c'est-à-dire le droit d'en user et d'en abuser? Son père, si la chose lui était bien présentée, devait comprendre cela. Il est vrai que son père et lui ne pensaient pas, ne sentaient pas généralement de la même manière, et que pour lui ça avait été, comme c'était encore, le grand malheur de sa vie. Il était encore petit enfant lorsqu'il avait perdu sa mère, mais assez âgé cependant pour avoir gardé le souvenir de la bonté et de la tendresse qu'elle lui avait prodiguée. Cette femme charmante, qui avait cru faire un mariage d'amour en épousant le bel Amédée Charlemont, avait compris, au bout de peu de temps de mariage, qu'elle s'était cruellement trompée, et que son mari, si brillant qu'il fût, ou peut-être justement parce qu'il était brillant et séduisant, n'avait aucune des qualités qu'une femme honnête et bonne est en droit d'exiger chez un mari. Ça avait été pour un cœur sensible et passionné comme le sien, une cruelle blessure et une longue douleur, car elle avait senti que sa vie était manquée, et sans avoir commencé, déjà finie à 20 ans. Heureusement, elle était alors enceinte. Elle avait trouvé un soutien dans la pensée que si elle ne pouvait pas être aimée par son mari, elle serait au moins aimée par son enfant, à qui elle se donnerait tout entière. Et avant que cet enfant fût né, elle l'avait adoré. Elle avait voulu non seulement le nourrir, mais encore l'élever, le soigner elle-même, ce qui pour son mari avait été un acte de pure folie. Qu'une mère voulût allaiter son enfant, cela il l'admettait au moins jusqu'à un certain point, c'est-à-dire quand elle était jeune, jolie, et qu'elle avait un beau sein, ce qui est le cas de sa femme. Que 2 ou 3 fois par jour, 4 au plus, elle donnait à téter à son fils qu'on lui apportait bien pomponné dans du linge blanc et des dentelles, il comprenait cela, et même il trouvait qu'on pouvait regarder avec plaisir ses petites lèvres roses se pendre à ce sein blanc gonflé de veines bleues. D'ailleurs, il y avait un tas de tableaux représentant des scènes de ce genre, et ce qui avait été bon pour l'art l'était également pour lui. Il voyait cela à travers des souvenirs artistiques. Mais qu'elle voulût le débarbouiller elle-même, le laver, le changer de linge, le moucher ou essuyer la bave de son menton, cela n'était pas supportable. C'était donc une nourrice. Quelle drôle de vocation! Nourrice, elle l'avait été jusqu'au bout sans une minute de distraction et de lassitude. Puis ensuite, quand l'enfant avait grandi, meilleure mère encore qu'elle n'avait été bonne nourrice. Et non de ces mères qui croient avoir largement rempli leur devoir. Quand, avant de sortir, elles ont recommandé rapidement, en faisant bouffer les brides de leur chapeau, qu'on veille bien sur le petit. Et quand, en rentrant, elles ont demandé si bébé a été sage. Mais de ces mères qui restent penchées sur leur enfant sans le quitter jamais, vivant avec lui, mangeant avec lui, dormant près de lui d'un sommeil léger qui suit le rythme de sa respiration. C'était là, pour Robert, les 12 souvenirs de son enfance qui faisaient qu'il avait gardé religieusement le culte de sa mère, et qu'il reportait jusqu'à un certain point sur toutes les femmes le tendre respect qu'elle lui avait inspiré. vaguement, par instinct, sans raisonnement et sans expérience, il était porté à croire qu'il y avait en elle quelques-unes des qualités de sa mère, un peu de la tendresse de celle-ci, de sa bonté, de sa générosité. Lorsqu'elle était morte, le changement pour lui avait été grand, et de ce jour jusqu'à celui où il avait aimé, son cœur était resté fermé à la tendresse. Sans doute son père n'avait pas été dur pour lui, mais il n'avait pas été bon non plus, n'ayant le temps, à vrai dire, d'être ni l'un ni l'autre, et restant des mois entiers, quelquefois, sans voir son fils, bien qu'il l'eût gardé dans sa maison et confié aux soins d'une gouvernante modèle qui avait élevé plusieurs enfants, merveilleusement, disait-on, au moins merveilleusement pour la tranquillité des parents, qui avait pu se débarrasser de tout souci sur elle, sur sa régularité et sur sa rigidité. Quand Robert avait quitté cette gouvernante perfection pour entrer au collège, il n'avait pas plus vu son père. À la vérité, on ne l'avait point laissé sans le faire sortir, et il était revenu tous les dimanches dans la maison paternelle, mais elle était vide, cette maison, sans que le père s'y trouvât jamais. Quel triste souvenir lui avait laissé ses journées de congé, où il dînait tout seul dans la grande salle à manger déserte, servi par un domestique grave qui n'ouvrait pas la bouche, et comme le lundi matin il enviait les plaisirs que lui racontait son ami Lucien Fourcy ou ses autres camarades. Alors, pour ne pas être humilié par eux, il en inventait de fantastiques qu'il leur racontait aussi, mais ces fantaisies de son imagination ne rendaient que plus dure pour lui la triste réalité. Peu à peu, il était arrivé à croire qu'il n'avait pas de père, et vive avait été sa surprise lorsque, parvenu à ses 18 ans, et croyant être mis en possession de sa fortune, ce père s'était rebellé pour s'opposer à l'émancipation que quelques-uns de ses parents maternels lui avaient promise et qu'il croyait obtenir. « Tu as le côté sentimental qu'avait ta mère, » lui avait répondu M. Charlemont pour justifier son refus, « et tu ne ferais que des sottises. Pour jouir de la liberté complète, attends un peu que la vie t'ait endurci. » Ils avaient alors vécu chacun de leur côté, et quand ils s'étaient rencontrés, ça avait toujours été par des plaisanteries que M. Charlemont l'avait accueilli, le raillant pour ses coins sombres, se moquant de sa timidité, le blaguant comme un ami pour son côté sentimental. En tout, un camarade, non un père, et un camarade qui le prend de haut, avec supériorité, bon enfant, mais maître. De là, des heurts dans leur relation qui les avaient rendus difficiles. Le père se plaignant que le fils manqua d'expansion et de confiance, le fils que le père manqua de tendresse et de dignité. Mais malgré tout, malgré les différences de caractère, d'humeur, de tempérament, d'habitude, d'idées qui existaient entre eux, enfin malgré l'opposition que M. Charlemont avait apportée à l'émancipation de son fils, il ne s'ensuivait pas que celui-ci, dans la crise d'argent qu'il traversait, ne pouvait pas s'adresser à son père. Le tout était de faire comprendre à M. Charlemont que 300 000 francs prélevés sur une fortune de plusieurs millions n'était pas une ruine pour son fils, que ce n'était pas non plus une folie bien grave. Ce serait à lui à trouver des raisons pour plaider cette cause, et il lui semblait qu'auprès d'un père tel que le sien, qui avait mené, qui menait l'existence que tout Paris connaissait, ce procès pouvait très bien être gagné. A-t-on le droit d'être implacable pour les autres quand on est si peu sévère pour soi-même? Robert descendit donc de sa chambre, décidé à risquer cette démarche auprès de son père, et ce qu'il apprit de Lucien le confirma dans son idée. M. Fourcy, indisposé, ne pouvait pas aller à Paris. Crédule et superstitieux comme tous les passionnés, Robert vit dans cette indisposition un hasard providentiel, une chance favorable, qui devait presque sûrement le faire réussir. Car si Fourcy avait été à Paris, il aurait fallu s'adresser à lui pour toucher l'argent ou pour obtenir un mandat sur la Banque de France, et jamais, assurément, le sévère Fourcy n'aurait consenti à verser cette somme ou à signer ce mandat sans présenter auparavant des observations à M. Charlemont. Quelles auraient été ces observations? Le caractère et les idées de Fourcy le disaient à l'avance. Quelle influence aurait-elle exercé? Avec un homme tel que lui, et avec l'autorité qu'il avait dans la maison et sur M. Charlemont, tout était à craindre. Puisqu'il était retenu à Nogent, tout au contraire était à espérer. M. Charlemont serait libre.